Le mardi 20 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le budget de la Ville de Québec pour l'an prochain a officiellement été adopté malgré l'opposition de Démocratie Québec. Sans surprise, les 19 élus d'équipe Labaume ont voté en faveur du budget. Les 3 élus de l'opposition ont quant à eux voté en bloc contre. Ils avancent qu'il aurait été possible de baisser davantage les taxes résidentielles et croient que les commerçants devraient eux aussi profiter de ce répit. La chef de l'opposition, Anne Guérette, dénonce aussi les investissements pour le marché public à Exposité et la construction d'un anneau de glace couvert dans le secteur de Sainte-Foy. Rappelons que le budget 2017 est marqué par une faible baisse des taxes résidentielles, des investissements en hausse de 30% et une dette en baisse de 2%. La Ville de Québec décidera demain avec ses partenaires s'il faut encore monter d'un cran la sécurité lors des festivités du 31 décembre. À la lumière de l'attentat à Berlin, les organisateurs veulent s'assurer que les risques de menaces sont réduits au minimum en raison de l'agrandissement du site et des nouvelles activités sur la Grande Allée le soir du 31. La Ville avait déjà prévu un budget de sécurité 5 fois plus élevé. Un contrat de 25 000 $ a déjà été accordé à diverses agences pour ce faire. L'Armée du Salut débutait ce matin sa traditionnelle distribution des paniers de Noël. En 3 jours, une 30aine de bénévoles prendront part à cette opération. 400 paniers de Noël seront remis à près de 800 personnes dans le besoin dans la région de Québec, incluant 260 enfants. Il y a quelques jours, l'Armée du Salut avait mentionné qu'elle s'attendait à dépasser son objectif de 50 000 $ en raison de la générosité des gens exceptionnels cette année. Enfin, en Allemagne, les autorités ne sont plus certaines d'avoir arrêté le bon suspect en lien avec l'attentat qui a coûté la vie hier à 12 personnes et qui en a blessé une 50aine d'autres. L'homme de 23 ans, originaire du Pakistan, qui avait été dans un premier temps désigné comme le principal suspect, nie catégoriquement être l'auteur de l'attaque et la police berlinoise concède que le criminel pourrait encore être dans la nature. Rien donc pour rassurer la population de Berlin. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. On attend moins 7 degrés cet après-midi avec 40% de probabilité d'averse de neige. Demain, mercredi, ça se réchauffe maximum de moins 2 avec de la neige intermittente et jeudi, moins 3, toujours avec de la neige. Présentement, à Québec, on a moins 10 degrés.